Ah bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Début février 2024, un média néerlandais révèle qu'une employée de Red Bull, que nous appellerons Helmuta Markita pour préserver son anonymat, a porté plainte pour harcèlement contre Christian Horner. Une enquête interne est ouverte. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. Helmuta disposerait de preuves, un détail rare et souvent décisif dans ce type de dossier. Fin février, Horner est blanchi par Red Bull. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non, car voilà qu'un Google Drive sauvage apparaît et tout est envoyé à ce que compte le paddock de journalistes, directeurs d'équipe et autres personnalités influentes. Il contient des captures de conversations WhatsApp entre Horny et Helmuta. Naturellement, j'ai consulté ce drive à des fins purement professionnelles. Et honnêtement, franchement, rien de criminel. Des sous-entendus gênants, des selfies embarrassants, une photo de son doigt. Enfin, j'espère que c'est son doigt. Pour lui. Et pour moi aussi. En tout cas, sachez qu'à la rédac, on a étudié la photo et on est assez partagé. Quoi qu'il en soit, les éléments de ce drive ne semblent pas fake à première vue, mais nous n'en dirons pas plus, car dans l'heure qui suit cette révélation, les publications mentionnant ce contenu sont supprimées. Les avocats de Horny McDrive brandissent l'argument de la vie privée et potentiellement de la diffamation. Qui a envoyé ce lien ? Il fallait des adresses mail internes, donc plusieurs regards se tournent vers Helmut Marko, qui n'a aucun lien de parenté avec Helmuta Markita. D'autres personnes soupçonnent Jos Verstappen. Mais ce scandale, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans ce contexte, peu importe que les preuves soient accablantes ou insuffisantes, l'important n'est plus de savoir si Helmuta disait vrai, ce qui compte c'est que cette affaire dépasse le cadre d'une simple plainte isolée contre Monsieur Horny. Après le Crashgate et le Spygate, Formule BlaBlaCorp vous propose une nouvelle enquête sur le dernier scandale en date du monde de la Formule 1, le Hornygate. Petit avertissement avant de commencer, cette affaire repose en grande partie sur des sources officieuses, des témoignages indirects et des spéculations relayées dans le paddock. Si certaines rumeurs semblent crédibles, elles ne constituent pas des preuves formelles, et cette émission vise avant tout à informer et aussi divertir en synthétisant les éléments connus à ce jour. La bonne entendeur. Qu'est-ce qu'une analyse du dimanche sans un petit retour vers le passé ? Et aussi sans la musique qui fait Bref, pour comprendre pourquoi certains ont voulu faire tomber l'homme derrière les plus grands succès de Red Bull, il faut remonter en 2022 à la mort de Dietrich Mateschitz. Co-fondateur de Red Bull, Mateschitz n'était pas qu'un simple homme d'affaires, il était un vrai passionné sincère de sport mécanique, nourri par l'idolâtrie de Jochen Rindt, dont le talent enflammait toute l'Autriche dans les années 60. Lorsqu'il s'associe à Charlie, le fondateur de la boisson, pour la propager à travers le monde, il se précipite vers Gerhard Berger, pilote star des années 80, pour devenir le premier sportif sponsorisé par Red Bull. Mateschitz a toujours été un homme de l'ombre, accordant peu ou pas d'interviews, et a eu l'intelligence de confier la gestion quotidienne de ses deux équipes de Formule 1 à des personnes plus compétentes que lui dans le domaine. Il ne se montrait jamais ou très rarement, mais il veillait à tout, garant invisible de l'équilibre interne. Ce que sa disparition a révélé, c'est à quel point il jouait un rôle capital pour maintenir l'équilibre entre les deux grandes factions de l'entreprise, le clan thaïlandais des héritiers de Chalaoyevdia et le clan autrichien. Les premiers détenaient jusqu'à récemment 51% du capital contre 49% pour les seconds. Cette répartition a changé depuis récemment, mais on va y revenir plus tard. Directeur du Red Bull Junior Team depuis sa création dans les années 90, Helmut Marko était ami de Mateschitz et a grandement contribué au développement de la marque en catégorie reine. Il a toujours été indissociable de Christian Horner, supportant les promotions de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ou de Max Verstappen, de l'équipe junior à l'équipe principale. Mais les deux hommes se sont toujours plus supportés qu'appréciés, et leur désaccord est devenu de plus en plus palpable au fil des années, alors que Red Bull rencontrait un problème de numéro 2. En signant Sergio Pérez en 2021, plutôt que de ruiner la réputation d'un autre junior de l'Académie Red Bull, Horner envoyait un message clair. Les pilotes qui en sortaient n'étaient pas au niveau. Des rumeurs d'éviction de Marco ont commencé à apparaître. En réponse, Nonneuil a parié sur Nyck de Vries, espérant marquer un grand coup en misant sur son impressionnante pige au Grand Prix d'Italie pour Williams. Cependant, Chaud Lapin n'était pas convaincu et faisait pression pour ramener Daniel Ricciardo en Formule 1. Après l'échec retentissant du premier champion du monde néerlandais de l'histoire du sport automobile... Oui, je parle de Vries, ouais. Champion du monde en Formule 1, certes, mais techniquement ça compte. Bref, Marco enchaînait les défaites. En contrepartie, il a lancé quelques ogives nucléaires médiatiques sur Sergio Pérez dès que les occasions se présentaient, mettant en avant que l'équipe de Captain Libido ne réussissait que grâce à Verstappen. Il était grand temps, pensait-on, de se débarrasser de Helmut. Mais c'est précisément à ce moment-là que le docteur a abattu ce qui reste probablement la plus grosse camflush royale de l'histoire de la F1 et même du sport en général. Selon plusieurs sources, Marco serait contractuellement lié à Verstappen et sa révocation pourrait permettre au champion du monde de rompre son propre contrat. Pour ne rien arranger, la chute de Pérez en courte saison 2023 n'a fait qu'encourager Maximus à en rajouter une couche. Le problème, c'est la voiture, c'est pas le numéro 2. Et c'est dans ce contexte que fin 2023, les affaires de harcèlement puis du Hornigate sont apparues. Rapidement, les journalistes de terrain rapportent les schismes entre le clan thaïlandais, soutenant Horner, négociant même une potentielle promotion, et le clan autrichien rangé derrière Marco et Verstappen. Malgré sa domination, Maximus Verstappenissus est au cœur des rumeurs. Agacé par certaines décisions, en froid avec Hornywood, il est évoqué du côté de Mercedes ou de Aston Martin. Son contrat court jusqu'en 2028, mais les clauses de sortie seraient activables. Autre coup dur, Adrian Newey annonce son départ après le Grand Prix de Chine. Naturellement, Horner tente de diminuer l'impact de Newey ces dernières années et met en avant Pierre Vacher, directeur technique et concepteur des Red Bull depuis plusieurs saisons. Quelques mois plus tôt, Rob Marshall, aussi designer en chef présent dans l'équipe depuis leur début, a rejoint McLaren. Côté pilote, Sergio Pérez décroche une prolongation de contrat malgré des performances toujours aussi irrégulières. Les rumeurs de remplacement persistent, notamment autour de Daniel Ricciardo, que Horner tente d'imposer depuis que McLaren s'est débarrassé de lui avec les honneurs. Mais en Autriche, Helmut Marko jette un nouveau pavé dans la mare. Il annonce publiquement que Liam Lawson prendra la place de Daniel Ricciardo en 2025 chez Racing Bulls, ajoutant du feu sur l'huile. Ou l'inverse. Les spéculations sont crédibles car le contrat junior Red Bull de Lawson se terminait en septembre. Il était sur le marché des transferts et personne n'avait oublié ses excellents débuts de remplaçant fin 2023. Finalement, Ricciardo est jeté comme une vieille chaussette après l'été au profit de Lawson. L'absence totale de communication a choqué le paddock. Selon moi, Horner espérait encore permettre à Ricciardo de terminer la saison, mais la Red Bull Junior Team l'a mis au pied du mur en rappelant sèchement que Ricciardo n'avait pas sa place dans leur équipe de Formule 1 et qu'il était seulement là car, à part Lawson, aucun jeune pilote ne méritait de se disputer le baquet à l'heure actuelle. D'après plusieurs insiders australiens, c'est précisément cette situation ambiguë qui a tout fait exploser. Avant la pause estivale, Ricciardo aurait reçu des signaux très clairs, voire même une promesse tacite, à savoir qu'il récupérerait le baquet de Pérez avant la fin de l'été. Mais les semaines ont passé et rien n'est venu. Pas un appel, pas un sexto, rien. Ce silence brutal, après des années de loyauté et même d'une amitié plutôt proche, a peut-être été vécu comme une trahison personnelle. Depuis, Ricciardo ne lui adresserait plus vraiment la parole. Et non content de se faire de plus en plus d'amis, Captain WhatsApp aurait personnellement exigé l'annulation de la participation de Jos Verstappen dans une parade au volant de la RB8. Le même week-end, en conférence de presse, Maximus lâche une bombe. Il déclare que sa fidélité n'a jamais été envers Red Bull, mais envers seulement deux hommes, son père et Helmut Marko. Pendant ce temps, Jonathan Whitley, le directeur sportif, a annoncé son départ pour le projet Audi dès 2025. Ouh! « Avec un nouveau contrat de 2 ans en poche, Sergio Pérez a passé la saison 2024 à littéralement se gratter les baloches. Et si je suis le premier à lui trouver des circonstances atténuantes au vu de l'historique des échecs des seconds pilotes chez Red Bull et de ce qu'on a appris par la suite, le constat reste brutal, il a coûté le titre constructeur à l'équipe. Et Horner, dans un geste de générosité ou de panique, lui aurait offert un chèque, un joli chèque de 14 millions de dollars pour acter son départ. C'est alors qu'un nouveau conflit émerge. Captain Libido aurait souhaité tenter un pari osé en misant sur Franco Colapinto, complètement conquis par le jeune Argentin qu'il défendait bec et ongle son intégration, quitte à souligner, ou peut-être pour souligner encore une fois, l'inutilité de l'équipe junior de Marco. Mais l'abondance de colapintage du rookie en fin de saison n'a pas convaincu le reste de l'équipe et il a fallu se tourner vers un autre profil plus académique. Liam Lawson semblait être l'homme idéal, un style de pilotage proche de celui de Max, un mental de compétiteur et une solide expérience dans de nombreuses catégories, sauf que... Liam Lawson n'a pas du tout le même style de pilotage que Max Verstappen. Il serait même plus proche d'un Pierre Gasly avec des entrées en virage agressives, avec beaucoup de vitesse amenée en virage, et qui s'accorde très très mal avec une monoplace aussi instable que la RB20. Mais en plus de ça, il a été écarté au bout de 2 courses. Avec pour excuse une demi-journée de roulage de perdu lors des essais de Bahreïn et des essais amputés à Melbourne, à chaque fois à cause de problèmes techniques. Et ensuite la découverte d'un nouveau circuit en format sprint en Chine, Lawson avait toutes les excuses du monde et pourtant c'est Tsunoda qu'on a choisi de promouvoir, un choix controversé. Non pas en raison du pilote, tout le monde s'accordait à dire que c'était lui qu'il fallait promouvoir dès le début de saison, mais controversé parce que cette décision est arrivée trop tard, dans un contexte chaotique et qui a nui à la progression de ces 2 jeunes talents. Un vrai chef-d'œuvre digne des plus grands jours de la Ferrari Moto. Adrian Newey a récemment révélé que les problèmes de comportement de la monoplace remontaient à 2023, précisément où les performances de Sergio Pérez ont commencé à chuter. Selon lui, le manque d'écoute a conduit Red Bull dans une impasse technique au fil des années, dont elle ne parvient toujours pas à se sortir. Forte de son avance au championnat début 2024, l'équipe s'est convaincue que la voiture fonctionnait parfaitement. En réalité, seuls les bons réglages et la capacité de Verstappen à dompter une machine instable cachaient des défauts structurels profonds. Newey s'était notamment opposé à plusieurs choix aérodynamiques, en particulier sur les nouveaux pontons étroits et les entrées d'air radicales sur le châssis de 2024. Ces innovations, qui d'ailleurs avaient surpris un bon nombre d'observateurs à la présentation de la voiture, ont fini par provoquer des problèmes de refroidissement plutôt sérieux. Newey aurait alerté dès le début de ces risques, notamment après l'abandon de Verstappen en Australie, mais ces avertissements ont été ignorés, l'état-major préférant se rassurer avec les victoires initiales. J'adore l'eau. Non, je rigole, c'est de l'alcool. Dans un podcast mexicain, à peine déguisé en campagne politique pour lui trouver un baquet en 2026, Sergio Pérez a confirmé ses tensions techniques, contredisant indirectement la version officielle de Horner. Pour lui, le départ de Newey a été un vrai tournant, et celui de Jonathan Whitley a sonné la chute du dernier mur porteur de l'équipe. Pérez affirme qu'avec Verstappen, ils avaient exprimé dès le départ leurs doutes sur la direction du développement. C'est pas le moment. Merci. Malgré tout cela, il paraissait encore improbable que Red Bull se sépare de Christian Horner. Après tout, c'est lui qui a façonné le projet de l'équipe, recrutement stratégique en provenance de Ferrari ou de Mercedes, et surtout, ce coup de maître en 2006, convaincre Adrian Newey de quitter McLaren pour une équipe encore anonyme. Son palmarès parle pour lui, tout comme sa longévité à la tête de Red Bull Racing. Le Horny Gate semblait avoir démontré qu'il possédait un totem d'immunité. Mais ces dernières années, Horner s'est aussi fait beaucoup d'ennemis, et les résultats commencent à s'essouffler. La seule chose qui ressort, c'est que si Red Bull est toujours aux avant-postes, c'est grâce à Verstappen et non à Horny McDrive. Même si factuellement, il faut mettre aussi en avant qu'ils ont une superbe équipe stratégique et une superbe équipe au simulateur, mais ce sont plus des travailleurs de l'ombre. Ce que je veux dire, c'est que c'est Maximus qui récolte les lauriers dans l'affaire. Historiquement, la société Red Bull était détenue à 51% par la famille thaïlandaise Yuvitaya et à 49% par la famille Mateschitz. Mais en mai dernier, un événement est venu bouleverser cet équilibre lorsque Charlam Yuvitaya, héritier du cofondateur, a cédé 2% de ses parts à une société fiduciaire suisse. En gros, je vais pas te faire un cours, mais moi je sais pas ce que c'est, mais c'est une structure chargée de gérer des parts en son nom, de façon neutre, et souvent dans le but de faciliter les prises de décision ou d'éviter un blocage. Officiellement, aucune explication n'a été donnée. Certains y voient une simple stratégie successoriale, d'autres voient ce transfert comme un geste politique, voire un accord tacite destiné à faire sauter un verrou décisionnel. Une chose est sûre, c'est que cette bascule a offert aux Autrichiens leur première vraie opportunité de reprendre la main, et ils ne l'ont pas laissé passer puisque, moins de 5 semaines après cela, Horner était dehors. Enfin, à ce jour, Horner n'a pas été officiellement écarté de Red Bull, il a simplement perdu son poste de directeur de Red Bull Racing. Il se pourrait que ce soit précisément la stratégie retenue. Laisser le nouveau management faire ses preuves tout en gardant une sorte de porte entrouverte à un retour si le climat s'apaise. Le Hornigate, dans ce contexte fracturé, a agi comme une sorte de catalyseur. Ce scandale a précipité le départ de plusieurs figures centrales, comme Jonathan Whitley et Adrian Newey. Le premier, lassé peut-être des tensions en interne, et aussi de ne jamais avoir d'offre de promotion réelle, a préféré peut-être aller choisir les promesses du projet Audi. Le second, fidèle à sa réputation d'homme allergique à la politique, n'a pas supporté de ne plus être écouté, ni de voir l'équipe sombrer dans les querelles internes. Reste à voir à présent quelle direction Laurent Méquies va prendre pour redresser l'équipe. Très respecté dans le paddock, Méquies est avant tout un ingénieur, et c'est peut-être exactement ce qu'il faut à une équipe épuisée par les luttes d'ego, les jeux de pouvoir et les diverses courses en interne pour pouvoir redonner à Red Bull ses ailes. Bye bye, monsieur Horny, bye bye. J'ai cliqué sur le drive, vu ton pipou, je suis mort. Y'a c'est Marco, sabré la bouteille de champagne. Chantant cette année, toi tu dégages. Cette année, toi, tu dégages. Bye bye, monsieur Horny, bye bye. J'ai cliqué sur le drive, vu ton pipou, je suis mort. Y'a c'est Marco, sabré la bouteille de champagne. Chantant cette année, toi, tu dégages.